bien des années de travaux souterrains et désintéressés, Delannoy et Dassin ont trouvé par hasard une chanson en or d'un poète inconnu, musique du folklore. Voici le document authentique et complet. Il est intitulé Billy le Bordelais. Dès sa naissance, c'est fou quand on y pense. Avec violence, il repoussa le lait. Que sa nourrice, une fille sans malice, venue de Suisse, gentiment lui donner. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça boudonne un cœur de lion, à condition d'en mettre dans les biberons. C'était un bébé d'Ivonilé, avec des petits mollets, mais déjà le monde l'appelait Billy le Bordelais. Qui Billy le Bordelais? L'enfant terrible avait l'horreur morbide de ce liquide que l'on appelle de l'eau. La plus mauvaise étant la flotte anglaise, Billy à l'aise nous vengea de Waterloo. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. Ah, qu'il était content de Napoléon. Billy, toi tu me plais, pour tout ce que tu as fait. Moi je te donne la Bourgogne, Billy le Bordelais. Ça, Billy le Bordelais. La de la Castille à la mer des Antilles, toutes les filles de Billy raffolées. Des Messalines, des Rennes et des Tarines, des Ursulines, tout le monde y passait. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion, pour pousser les jupons et les cotillons. Avec tous les enfants qu'il a fait, je me demande si tu l'es, ou si je ne suis pas bâtard de Billy le Bordelais. Billy le Bordelais. Messieurs, mesdames, voici la fin du drame. L'adieu aux armes, laissez vos larmes couler. Billy l'unique, Billy le magnifique, cet historique est mort assassiné. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. Et l'ennemi qui était le pauvre garçon, on lui a glissé devant son verre de l'eau à dose mortelle. Il est mort dans un dernier clou-clou, Billy le Bordelais. Billy le Bordelais, Billy le Bordelais, Billy le Bordelais. Envoie. Prince, duc ou marquis, ou monsieur de Bordeaux, ton sang est fait de vin bien plus qu'il ne l'est d'eau. Aussi je te dédie cette histoire attachante, espérant que demain, toi aussi, tu la chantes.